Les bonheurs passent, les malheurs aussi, la fatalité, quel ennui. L'on ne dit rien, mais on devine enfin, au regard, les tristes destins. Des enfants nus que la terre a portés, et qu'elle n'a jamais habillés. Les enfants nus de ce monde ont pourtant, quelques millions de pères au demeurant. Et c'est comme ça que la terre tourne, tourne, tourne autour du soleil. C'est la valse des cœurs tranquilles, bien docile des utopistes. La farandole des jours faciles et imbéciles des lendemains surréalistes. Tant d'âmes en route abandonnées, tant de fossés, de coups fourrés, tant d'amertume et de regrets et de violence auréolées. Laissez femmes vivre et enfants courir toujours les fleurs des champs. Laissez les hommes rire et chanter, le petit jour va se lever. Et encore la terre tourne, tournera autour du soleil. C'est la valse des cœurs tranquilles, au petit jour qui se rhabille. La farandole des jours qui passent, et passe-passe qu'on maquille bien habile. Aujourd'hui l'on a peur de tout, peur des chiens comme des loups. Peur aussi des poignées de main, ou bien de tendre un peu de pain. Il faut aimer comme on a peur, aimer jusqu'à fendre son cœur, puisqu'il n'est bonheur ici-bas sans sa cohorte de tracas. Et si l'on faisait tourner la terre autour de nous, voir un peu si l'on s'aime, sans un écroche, sans anathème, malgré la vie qui m'emmène et qui vous mène et qui nous flanque, si l'on se manque. Pourquoi rendre nos errances encore plus difficiles? Et pourquoi nos existences se devraient d'être aussi futiles? Qu'y a-t-il de plus important que l'étoile pour toujours perdue? Et peut-on croire en oubliant que c'est la vie qui continue? Si c'est comme ça que la terre tourne, tourne, tourne autour du soleil. Si c'est la valse des cœurs taris, vous ne me verrez pas sur la piste. La farandole des jours trop gris que barbouillent les idéalistes me rend trop triste. Moi je veux que la terre vous tourne et virevolte autour du soleil. Que la valse soit à l'amour, tourbillonnante valse folle. Que la farandole des beaux jours soit enseignée dans les écoles. Que l'on devienne un peu sérieux, il faut que ce soit drôle. Alors vas-y, tourne la terre, oui, tourne autour de ton soleil. Si l'on s'aime, si l'on s'aime, sans un écroche, sans un anathème, malgré la vie qui m'emmène au cloche-pied dans son poème. Si l'on s'aime, oh, oh, oh, tu peux bien tourner la terre, oh, tourne pour moi, c'est pareil. Je vous aime, je vous aime, sans un écroche, sans un anathème, Est-ce que la vie qui m'emmène m'a ramené là devant vous? Que voulez-vous? Je vous aime, je vous aime. Sans un écroche, sans un anathème, malgré tout et contre tout, contre la bêtise qui va. Et si encore la vie m'emmène, je veux que ce soit dans vos bras. Vous me porterez sans peine, je ne suis que l'air, une rengaine, une rengaine, une rengaine.